11. 1. Je chante sous la douche. 2. Je fais mes courses le samedi. 3. J'ai mangé un croissant. 4. Je dis qu'elle ne viendra pas. 5. J'ai écrit une lettre. 6. Je travaille dans un restaurant. 7. J'ai parlé avec mon ami de New York. 8. J'ai fait mes exercices. 9. Je parle anglais dans mon travail. 10. Aujourd'hui, je déjeune en ville. 11. J'habite en ville. 12. J'ai téléphoné à mon frère.